Le jeudi 4 mai, ici Dominique Lelièvre, voici vos informations. L'opposition à l'Assemblée nationale remet en question l'indépendance du patron de l'unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière. Le commissaire de l'UPAC témoigne aujourd'hui devant les élus dans le cadre des crédits du ministère de la Sécurité publique. Le PQ et la CAQ l'ont questionné sur sa capacité à mener à terme des enquêtes. Ils n'ont pas non plus manqué de souligner que le commissaire était nommé par le gouvernement libéral. L'opposition s'inquiète notamment des récentes fuites dans les médias à l'effet que le DPCP n'ait toujours pas été saisi d'une enquête de plusieurs années sur l'ancien premier ministre Jean Charest. Et puis le président du syndicat des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a par la suite laissé entendre que certaines enquêtes criminelles visant des élus libéraux avaient été bloquées en haut lieu. C'est une cuisine de rue plus modeste que prévu qui s'installera à Québec dès le 15 juin. Le comité exécutif de la ville a entériné mercredi la sélection du jury présidé par le chef Jean Soulard. Ce sont finalement 7 restaurateurs qui visiteront en alternance une douzaine de sites en ville, notamment le parc Victoria, la base de plein air de Sainte-Foy et le parc de la plage Jacques-Cartier. Certains pourraient cependant privilégier les événements corporatifs et privés plus lucratif. Jean Soulard s'est montré satisfait, estimant que l'offre reflétait bien la personnalité de la restauration à Québec. Le ministre de l'Environnement, David Hurtel, ne portera pas en appel la décision qui a permis à Nacolor de reprendre sa production. Fin mars, le tribunal administratif du Québec avait donné raison à l'entreprise de peinture métallique de Cap-Rouge, lui permettant de reprendre ses activités contre la volonté du gouvernement. Le ministre Hurtel soutient qu'il préfère se concentrer sur le fond du dossier. Il entend faire respecter le certificat d'autorisation qui impose à l'entreprise une réduction de 90% de ses émanations. Une décision saluée par le regroupement citoyen qui souligne qu'une contestation judiciaire aurait entraîné de nouveaux délais. Enfin, le promoteur Louis Lessard est en colère contre la ville de Québec qui tourne le dos à son projet de condo sur le site de l'église Saint-Cœur-de-Marie, sur la Grande Allée. Propriétaire des lieux depuis 7 ans, il affirme avoir travaillé avec la ville de Québec pendant plusieurs années sur une dizaine de scénarios, dont certains prévoyait la préservation de la façade du bâtiment. Monsieur Lessard affirme avoir le soutien de plusieurs commerçants de la Grande Allée. Printemps, été, automne, hiver, météo. Ce sera peut-être la seule belle journée de la semaine et des prochains jours. C'est du soleil aujourd'hui avec un maximum de 13 degrés, presque atteint puisqu'il fait présentement 12 degrés à Québec, alors que c'est généralement nuageux. Demain vendredi, de la pluie en intermittence, un maximum de 11 degrés. De la pluie toute la fin de semaine également, avec 16 degrés samedi et 14 degrés dimanche.